Introduction. La Maison Blanche, Washington. Mémorandum de conversation. Participants. Le président Gerald R. Ford, le docteur Henry A. Kissinger, secrétaire d'État et assistant du président à la sécurité nationale, le général de corps aérien Brent Scowcroft, assistant adjoint du président à la sécurité nationale. Date et heure, samedi 4 janvier 1975, 9h40, 12h20. Lieu, bureau ovale, Maison Blanche. Kissinger. Ce qui se passe en ce moment est pire que sous le McCarthyisme. Vous allez vous retrouver avec une CIA qui ne fera que des rapports, pas d'opérations. Il a transmis toutes ses affaires en cours au FBI. Il a proposé de démissionner et j'ai refusé. Ce n'est pas ma prérogative, mais je lui ai dit, pas avant que vous soyez déclaré coupable de crime. Le président, je suis d'accord. Kissinger, Helms dit que toutes ces histoires ne sont que la partie visible de l'iceberg. Si ça sort, le sang va couler. Robert Kennedy, par exemple, a dirigé en personne l'opération visant à assassiner Fidel Castro. Il décrit d'autres histoires. Je lui ai dit que Buchan le conseillerait. Il ne dira rien de compromettant. Le président. Je connais Dick Helms personnellement et je l'estime beaucoup. Kissinger. L'affaire du Chili, qui ne figure dans aucun rapport. On essaye de me faire chanter. Ce dialogue, qu'on croirait tiré d'un film d'Oliver Stone, est totalement authentique. C'est une transcription des archives sonores de la Maison Blanche sous Gerald Ford. Des dizaines, sinon des centaines d'histoires plus ou moins terribles circulent sur le compte de la CIA dans le grand public, comme dans les plus hautes sphères de Washington. Certaines sont vraies, en tout ou partie, d'autres totalement fausses. Mais les non-initiés ont bien du mal à les distinguer. À tel point qu'on peut se demander si la CIA elle-même ne trouve pas son intérêt dans une telle confusion. Après tout, si tant d'histoires plus ou moins fantaisistes circulent, il se pourrait bien qu'aucune ne soit vraie. Pourtant, nombre de faits sont aujourd'hui avérés et documentés, y compris par la justice américaine ou les historiens officiels de l'agence. L'objet de cet ouvrage n'est pas de livrer une histoire exhaustive de la CIA, mais d'éclairer avec précision le lecteur sur certaines affaires élucidées et sur d'autres plus récentes, dans lesquelles nous apportons des éclairages nouveaux, voire des archives inédites. L'originalité de notre approche est de proposer, dans presque chaque chapitre, une sélection d'archives auxquelles le lecteur n'a pas accès d'ordinaire et qui le font pénétrer directement dans les cuisines du renseignement. Chaque source est, bien sûr, présentée et replacée dans son contexte. Qu'il s'agisse d'archives déclassifiées de la CIA, de rapports d'enquête de commissions sénatoriales ou de témoignages d'anciens officiers de la CIA, ces sources confèrent une sérieuse crédibilité aux histoires qu'elles étaient. Elles éclairent souvent d'une lumière nouvelle et crue notre histoire la plus contemporaine. Les historiens sérieux ont longtemps minoré le rôle des services de renseignement dans le déroulement des relations internationales, à la fois parce que les sources étaient difficiles d'accès et parce que leur exploitation demandait une grande familiarité avec le monde des services. Pourtant, comment comprendre le monde aujourd'hui, et en particulier les relations tumultueuses de l'Occident avec l'Iran, les pays arabes, la Russie ou l'Amérique du Sud ? Les phénomènes internationaux tels que les trafics de drogue ou le terrorisme islamique, sans dérouler le fil des sales guerres menées depuis 60 ans par la CIA dans bien des points chauds du globe. Le lecteur mesurera à l'issue de ce parcours combien nous subissons aujourd'hui les conséquences d'erreurs passées des présidents américains et de leurs services. Créé par le président Truman en 1947 pour coordonner le renseignement américain, la CIA est rapidement devenue une agence globale destinée à collecter et évaluer le renseignement, mais aussi à renforcer l'influence américaine dans le monde par l'action clandestine. L'ancêtre de la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale est l'OSS, Office of Strategic Services, calqué sur les services secrets anglais et dirigé par William Wild Bill Donovan, personnage haut en couleur et grande figure tutélaire des espions américains. En 1944, celui-ci suggère à Roosevelt de créer une agence de renseignement pour temps de paix, ce qui n'a jamais été dans la tradition américaine. Roosevelt meurt avant d'avoir pris une décision. Les militaires qui ont leur propre service, les diplomates qui ne veulent pas d'interférence sur les affaires extérieures et le FBI de John Edgar Hoover, qui n'a jamais apprécié la concurrence, s'emploient à discréditer le projet. Truman démantèle l'OSS. En 1946, il crée le Central Intelligence Group, destiné à coordonner le renseignement américain et à lui en fournir une synthèse quotidienne. Mais la guerre froide est en train de se développer. La prise de conscience du nouveau danger communiste rend nécessaire des mesures énergiques et un nouvel ordre de bataille, symbolisé par le National Security Act du 26 juillet 1947. Celui-ci donne naissance à la CIA le 18 septembre, en la chargeant simplement de « rassembler, comparer et diffuser le renseignement », mais aussi d'accomplir d'autres fonctions et devoirs liés aux renseignements affectant la sécurité nationale. Formulation bien vague qui ouvre la porte à tous les dérapages décrits ici. Pourquoi un tel revirement? À Washington, l'atmosphère euphorique de la victoire a fait place à une vraie paranoïa. Le texte fondateur du National Security Act est un long télégramme envoyé par un chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Moscou, George Kennan. Celui-ci explique que les Soviétiques et Staline sont insensibles à la logique rationnelle des diplomates, mais respectent les rapports de force. Le conflit entre les deux blocs semble inévitable. De retour de Moscou, Kennan est installé au département d'État pour dresser les plans de bataille de ce que l'on va bientôt appeler la guerre froide. De ses réflexions sortent la doctrine Truman, un avertissement solennel à Moscou d'arrêter ses actions de subversion, le plan Marshall, destiné à renforcer l'influence des États-Unis face au communisme, et enfin la CIA, le bras armé de la guerre secrète. Au départ, la CIA n'a pas de patron spécifique. Elle est dirigée par le directeur central du renseignement, DCI, l'amiral Roscoe Hillenkoetter. Elle n'a pas non plus de statut, de budget, ni de siège pendant ses deux premières années. Son directeur souhaite éviter l'action clandestine, faute de base légale, mais en coulisses, les anciens de l'OSS reconvertis dans la CIA sont à la manœuvre, et des coups se préparent déjà. Dès décembre 1947, une directive du Conseil national de sécurité autorise les premières opérations clandestines de l'agence, qui crée l'Office des opérations secrètes, OSO, et lui donne ses premières missions. Soutien massif au parti anticommuniste en Italie, en vue des élections de 1948, et fourniture d'armes aux factions grecques anticommunistes dans la guerre civile qui déchire la péninsule hellénique. Comment financer ces opérations? Tout simplement en détournant une partie des fonds alloués par le Congrès pour le plan Marshall. 5% des fonds, soit 685 millions de dollars, sont ainsi mis à disposition de la CIA par les bureaux locaux du plan en Europe et en Asie. L'argent ainsi blanchi va financer une kyrielle d'associations, de journaux, de syndicats et de partis politiques, voire de mouvements clandestins. Une nouvelle directive du Conseil national de sécurité en juin 1948 ordonne le lancement d'opérations offensives contre les communistes partout dans le monde. L'amiral Hillenkoetter, un homme légaliste et considéré comme faible par le département d'État, reste réticent envers ces actions. C'est pourquoi la CIA en sous-traite certaines à l'Office of Policy Coordination, OPC, une officine dirigée par un vétéran de l'OSS, Frank Wisner, et officiellement rattachée au département d'État. Ce montage ne trompe pas grand monde, car l'OPC partage les locaux de la CIA à Washington. Les premières missions de l'OPC menées avec les services britanniques consistent à infiltrer des agents derrière le rideau de fer. Tous, sans exception, seront capturés et tués par les Soviétiques. Ils ont été dénoncés par une taupe communiste au sein des services anglais, Kim Philby. En juin 1950, débute l'offensive générale de la Corée du Nord contre la Corée du Sud, avec l'aide des Chinois. La CIA n'a rien vu venir. Helen Cutter est remplacé par un autre militaire, le général Walter Bedell Smith. Ce dernier met fin à la rivalité entre l'OSO et l'OPC en les fusionnant à l'intérieur de la CIA. Il promeut également comme directeur adjoint des opérations Alan Dulles. Cet avocat et ancien chef de poste de l'OSS à Berne pendant la Seconde Guerre mondiale a été l'un des artisans, avec George Kennan et James Forrestal, secrétaire à la Défense, du montage détournant les fonds du plan Marshall, et vise rien moins que le poste de directeur du renseignement. Ce sera un objectif atteint avec l'arrivée à la présidence d'Eisenhower en janvier 1953. Dulles sera le premier grand patron de la CIA, un vrai croisé de la guerre froide.